Toyota. Bon, papa compte les équipements de la Yaris et toi, tu vas te cacher, ok? D'accord. Connectivité smartphone, caméra de recul, freinage d'urgence automatique, Bluetooth... On n'a pas fini de compter tous ces équipements. En ce moment, la Toyota Yaris avec connectivité smartphone est à partir de 109€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable jusqu'au 30 juin dans le réseau participant pour une Yaris France Connect 70 VVTi, 3 portes 9 ans, LLD, 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2090€ sous condition de reprise, plus de 8 ans, prime à la conversion de 1000€ déduite. Voir toyota.fr. La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La semaine prochaine et pour la première fois de son histoire, la France accueille le colloque de référence des Metal Studies. De quoi s'agit-il? Eh bien, d'un rendez-vous scientifique sur la musique et la culture métal. Ça va se passer à Nantes, au lieu unique, juste avant le Hellfest, le festival spécialisé dans les musiques extrêmes, organisé à quelques kilomètres de là, à Clisson, en Loire-Atlantique. Des chercheurs du monde entier, dans de nombreuses disciplines comme la sociologie, l'histoire, la musicologie ou l'anthropologie, mènent donc des recherches pour analyser, décortiquer et réfléchir aux pratiques liées à cette musique qui connaît un succès grandissant. Comment des groupes comme Metallica, Sepultura ou Black Sabbath ont-ils donné naissance à un nouveau champ académique? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans un instant avec mes invités qui vont également répondre à toutes vos questions et à vos témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Et c'est le loup qui est à la une de la science aujourd'hui avec un sujet qui reste complexe. Toujours complexe. La population française de loups atteint les 500 individus. C'était l'objectif fixé il y a un an par le plan loup. Il est atteint. Et après, on pose la question à notre invité. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupin, consacrée cette semaine à la pratique du massage cardiaque. Frédéric Milano réalise cette tête au carré, préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Voilà, les études scientifiques sur la musique métal, dossier de la tête au carré dans un instant avec mes invités que je salue, Jérôme Guibert et Sophie Turbet. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes tous les deux maîtres de conférences et Jérôme Guibert, c'est à vous qu'on doit la tenue à Nantes de ce colloque de référence sur les Metal Studies. Comment est né ce rendez-vous et quelle en est l'idée alors? Parce qu'il y a vraiment de la science autour de la musique métal, hein? Oui, ben justement, les chercheurs qui travaillaient sur ce genre de musique, sur leur public, sur la production de ces musiques, avaient besoin d'un moment, d'un temps, d'un espace pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir justement confronter leurs recherches à leurs collègues. Et donc a été créé en 2013 l'ISMMS, International Society for Metal Music Studies. Yes. Voilà. Et donc du coup l'idée c'était de réaliser un colloque tous les deux ans. Mm-hmm. International et pluridisciplinaire. Et voilà, donc on est à la quatrième édition là, ouais, qui va avoir lieu et la semaine prochaine. C'est en France et juste avant le Hellfest, hein, je le disais tout à l'heure, ce grand festival de musique métal donc qui aura lieu près de Nantes. Et là, ce sera l'occasion donc de discuter de toutes les disciplines. Elles sont nombreuses. On va voir ça avec vous. Alors le métal, ça englobe quoi? C'est le hard rock, le heavy metal, le métal, tout ça, c'est la même famille au fond? Oui, alors c'est pas une essence, hein, comme je dirais toutes les pratiques populaires. Il y a un processus, même quand on parle du passé, au fur et à mesure des années et selon les endroits où on se situe, on n'appelle pas les mêmes groupes ou les mêmes musiques de la même manière. Mais on peut dire que effectivement, metal, c'est devenu un peu le terme englobant. C'est un collègue justement, Fabien Hein, qui a proposé ça dans l'histoire en fait. Hard rock, heavy metal, metal. Terme englobant d'un ensemble de sous-courants et de tendances. C'est la raison pour laquelle on parle de Metal Studies, hein, voilà, aujourd'hui. Ça. Sophie Turbet, à quoi vous intéressez-vous en tant que chercheur en sciences sociales? Alors, autour de ce sujet, évidemment. Oui, alors bien sûr. Oui. C'est l'objet principal de mes travaux de recherche, mais je travaille en particulier en socio-économie, des scènes locales, hein, donc vraiment sur la question du territoire et de l'économie locale, do it yourself, des pratiques amateurs, mais aussi sur les questions de genre, donc la façon dont les femmes s'approprient ce type de musique. Ouais, et il y a beaucoup à dire en la matière, hein, oui, parce que c'est une musique et un genre qui est quand même très perçu comme étant un domaine machiste plutôt. Hein. Oui, on pourrait dire quand même, on pourrait dire ça. C'est effectivement, il y a des représentations masculines dominantes dans le métal. C'est une musique qui est en proportion majoritairement, effectivement, même encore aujourd'hui, écoutée par des hommes, même si on peut pas nier qu'il y a de plus en plus de femmes sur scène, dans les publics. C'est loin d'être anodin hein, aujourd'hui, effectivement. Mais effectivement, c'est une musique qui est représentée, ou en tout cas traditionnellement encodée, comme étant plutôt masculine, avec des symboliques comme la puissance, la force, la violence, que s'approprient également les femmes. Et des groupes aussi représentés par des femmes, on en entendra un d'ailleurs de plus en plus souvent, dans un instant. Et vous avez enquêté auprès d'elles hein, aussi pour connaître leur perception des représentations masculines dans la musique métal. On discute de tout ça dans un instant, avec certainement des témoignages, des auditeurs et puis des extraits de morceaux que nous allons écouter. Dites-nous si vous aimez ou pas d'ailleurs la musique métal sur la page de La Tête au Carré. Vous nous retrouvez sur franceinter.fr. Et ce sont les loups qui sont de plus en plus nombreux en France, qui sont aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard. Oui Mathieu, l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage publie son bilan à la sortie de l'hiver. Il estime que les loups sont environ 500 à vivre dans nos forêts contre 430 l'an dernier. Victoire pour certains, inquiétude pour d'autres. Le loup est toujours un sujet complexe et on en discute en duplex depuis Strasbourg avec vous Yvon Lemao. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éco-physiologiste, professeur émérite pour le CNRS. Et il y a un an, vous étiez à ce micro pour nous présenter le plan loup que vous avez coordonné et qui fixait ce seuil à 500 individus comme le minimum de viabilité à atteindre pour l'espèce. Les nouvelles sont bonnes alors car l'objectif, on y est aujourd'hui. Alors effectivement, j'ai présidé l'expertise collective qui rassemblait des spécialistes de la question, notamment spécialiste de la démographie du loup, mais aussi des généticiens. Et ça me permet de dire que, effectivement, on a atteint un niveau qui devrait permettre à la population de se maintenir, à condition, bien sûr, qu'elle ne soit pas isolée. Car nous l'avions dit à l'époque, il faut concevoir les choses au niveau européen. Et si cette population était isolée des autres, c'est-à-dire que si on empêchait tout transfert, il faudrait le double de loups. Quand vous dites isolé et transfert, vous pensez à quoi isolé, pour le loup en lui-même ? C'est-à-dire en empêchant par exemple les transferts à partir du Mercantour, qui sont à l'origine, c'est à travers le Mercantour que s'est fait le retour du loup, car bien sûr il n'a pas été introduit, il est revenu de lui-même. Donc première exigence, que les transferts soient maintenus pour que cette population de 500 loups soit suffisante. Maintenant, le deuxième aspect, c'est que ce transfert de loups, il a un deuxième rôle qui est génétique. Il faut qu'il y ait un brassage génétique et c'était la deuxième condition du maintien. Et pour l'instant, eh bien, on attend encore, les études sont en cours pour savoir si de ce côté c'est positif. Alors pourquoi est-ce que, très rapidement, la génétique est une condition de viabilité sur notre territoire pour le loup ? Est-ce qu'on pourrait emmener le loup vers une extinction, même s'il y en a beaucoup ? Alors, une population qui est génétiquement coupée des autres est une population qui n'a pas la diversité nécessaire. Donc les brassages génétiques sont absolument indispensables. On le sait pour beaucoup d'espèces, et c'est vrai aussi pour le loup. Maintenant, le problème du loup, je pense qu'on va y venir, c'est qu'il est l'indicateur d'une nature qui ne va pas bien. Oui. Alors, et plus de loups, c'est aussi plus d'attaques. Il faut qu'on en parle quand même parce que en 2018, c'est 4000 sur des troupeaux et 12000 bêtes blessées ou tuées. Est-ce que sans l'élevage, les loups pourraient survivre en France? Est-ce qu'il y a assez à manger dans les forêts pour 500 ou plus? C'est juste, il y aurait de la nourriture pour plus, à condition, bien sûr, que le gibier ne soit pas exploité, surexploité. C'est d'ailleurs ce qu'a montré le film d'Anno réalisé en Mongolie intérieure sur le dernier loup, hein, qui est un film qui montre bien l'importance du maintien d'une population, enfin, d'un gibier pour le loup. Mais plus spécifiquement pour un loup qui vit dans une forêt en France, est-ce que c'est plus facile d'attaquer un mouton dans un enclos ou une biche qui vague dans la forêt ? Alors pour répondre à cette question, il faut d'abord connaître la structure des populations de loups Et par exemple, un loup en dispersion, seul, risque davantage de s'attaquer à des moutons plutôt qu'une population structurée dans une forêt qu'il connaît bien, que connaît bien cette population comme une meute, par exemple. Alors, je suis désolé, on a très peu de temps. Je vais vous poser une dernière question parce que l'émission doit avancer derrière. Quelle est la bonne solution ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui vraiment faire avancer l'élevage et les populations de loups sur le territoire français, qui est un territoire petit quand même ? Alors, comme pour le reste de l'agriculture, les éleveurs ont besoin du soutien de la population, des citoyens français. Ils ne doivent pas être seuls en première ligne. Se protéger d'un loup, ça veut dire revenir à des moyens de protection que l'on connaissait bien, avec des chiens. Il y a une sélection. Les enjeux sont quand même assez incroyables, puisqu'aujourd'hui, il faut que le chien protégeant un groupe de moutons puisse aussi bien protéger, attaquer le loup, que ne pas, par exemple, attaquer quelqu'un qui arriverait en parapente au milieu des moutons. Donc ce n'est pas simple. Le deuxième point, quand même, dont on ne parle pas suffisamment, à mes yeux, et notamment Jean-Marc Landry travaille beaucoup dans ce domaine, c'est qu'il faut mettre au point, on a aujourd'hui des technologies qui permettraient d'aider davantage les éleveurs et de se protéger plus efficacement contre le loup. Par exemple, ce qu'il fait avec des caméras infrarouges nous donne beaucoup d'informations. Donc la technologie existe, mais on n'a pas en science, et c'est un problème qui me préoccupe, on n'a pas dans le domaine de la biodiversité des financements suffisants. Il faudrait vraiment un effort dans ce domaine pour accéder à ces nouveaux moyens technologiques. Une dernière question sur les prélèvements, par exemple, en réaction à ces chiffres. Le préfet du Rhône a déjà annoncé qu'il allait augmenter le seuil qui passerait de 38 individus à 53. Est-ce que, on le sait, c'est une solution qui fonctionne pour protéger les troupeaux d'abattre certains loups qui traînent autour ? Les travaux scientifiques sont contradictoires. Il y a beaucoup d'études en cours dans ce domaine, comme vous en doutez. Et rien ne prouve pour l'instant que c'est efficace. Et d'autres arguments, tels que par exemple la déstructuration de meutes, qui va amener des individus en dispersion à attaquer davantage les moutons, sont en question. Merci beaucoup Yvan Lemahaut, vous êtes écophysiologiste et professeur émérite pour le CNRS. Et Axel, on se retrouve demain. À demain. Allez, en bref. Dans le reste de l'actualité scientifique, notre corps, une mosaïque génétique. Bien sûr, nous naissons avec un génome unique, mais plus nous vieillissons et plus les différentes parties de notre corps s'en éloignent. En analysant sur 500 individus l'ADN provenant de 29 régions du corps, des chercheurs dans la revue Science montrent que plus un tissu est en contact avec l'environnement, comme la peau ou l'œsophage, et plus il dérive rapidement du reste du corps. Cette dérive, appelée donc mosaïque génétique, augmente aussi avec l'âge des individus et le niveau de sollicitation. Les abeilles solitaires construisent aussi leur nid avec du plastique. En Argentine, une équipe de chercheurs vient de découvrir donc le premier nid d'abeilles entièrement fait de feuilles et de sacs en plastique construits par une espèce sauvage. Normalement, cette abeille ramasse de petits morceaux de feuilles d'arbres qu'elle enroule en cône douillet pour déposer ses œufs. Eh bien, en relevant une cinquantaine de pièges que les chercheurs avaient installés pour l'occasion, ils ont vu apparaître des nids faits d'un mélange de végétaux et de plastique et un nid entièrement fait de déchets en plastique. Ils ne précisent pas si ces nids sont dangereux pour les larves. Et puis la Sibérie va-t-elle devenir habitable d'ici la fin du siècle ? Cette large bande froide de 13 millions de kilomètres carrés au nord du continent russo-asiatique est aujourd'hui globalement déserte. Eh bien, elle pourrait voir son avenir changer en raison du réchauffement climatique. Dans une étude parue cette semaine, des chercheurs russes prédisent que d'ici 2080, la proportion habitable augmenterait de 25% en Sibérie. La fonte du permafrost et l'installation progressive d'un climat tempéré pourraient donc transformer les steppes du sud de cette région en zone parfaitement attractive. Allez, les Metal Studies, c'est le dossier de l'émission dans un instant. Madame, je jalouse souvent qui vous caresse prestement la joue. Des provinces andalouses et panaméricaines, ce vent suave et si doux. Madame, je jalouse. Madame, je jalouse ce vent qui vous caresse la joue en ces provinces andalouses. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Quand je reste à Paname. À chaque missive la vois-je. Je crains de vous causer l'ennui. Et cette attente comme un missile endolorit ma tête, vois-je, vois-je. Endolorit ma tête, vois-je, vois-je. Que deux fois passe le jour et vienne la nuit. Passe le jour et vienne la nuit. Me reviennent toi sur l'autre rive, et tu avec un autre. Les choses nous échappent, pourquoi les retenir par le bout de l'écharpe? Si tu te venir étrange, étrange l'un à l'autre, au cou le souvenir. Étrange, et je reste à Paname. Tu sais de mémoire ancienne te méfier les braves de leur soif inopportune. Combien de lâches sont venus ici courir chimère à coups de fusil. Ivres de gloire ont-ils pensé que ton cœur serait conquis, percé de flèches et de rancœur, comme tes côtes mexicaines de Malinche, de Malinche. Il n'y en aura qu'une. Oh oui. La Malinche, c'était Feu Chatterton. La tête au carré, Mathieu Vidard. Et on s'intéresse cet après-midi donc aux études scientifiques concernant la culture métal. C'est à l'occasion donc de ce colloque qui va se dérouler la semaine prochaine à Nantes sur le sujet. Pour en parler, Jérôme Guibert et Sophie Turbet sont avec moi. Jérôme Guibert, vous êtes donc maître de conférence en sociologie à Paris 3 Sorbonne Nouvelle et directeur adjoint de l'Institut de la communication et des médias. C'est vous donc qui organisez en France cette conférence internationale. Ce sera du 17 au 20 juin, très exactement, au lieu unique à Nantes. Et puis Sophie Turbet, vous êtes maître de conférence, mais à l'université de Lorraine, et vous êtes chercheur dans ce laboratoire lorrain de sciences sociales. Et les messages des auditeurs, fans ou pas d'ailleurs, ça nous intéresse d'entendre tout le monde, de musique métal, eh bien, arrive sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Jérôme Guibert, un mot d'abord sur ce qui va se passer à Nantes la semaine prochaine, avec ce colloque qui va réunir donc des scientifiques du monde entier. Le point de départ, donc, c'était à l'étranger, c'est la première fois que la France accueille ce rendez-vous. Et donc, la dernière, sans doute. Bon, ça on sait pas quand même, soyez pas pessimiste. Et en tout cas, vous allez confronter toutes les disciplines qui s'intéressent aujourd'hui au métal. Je l'ai cité un petit peu tout à l'heure, il y a de la sociologie, de l'histoire, de la musicologie, anthropologie. Oui, il y a aussi des médias, je te dis, ou études de genre. Enfin, c'est quand même, c'est très large. Psychologie sociale, donc c'est sciences humaines et sociales. Ouais. Et donc le but, c'est de pouvoir voir où en est l'état de la recherche dans tous ces domaines. Bah, tout à fait, comme en fait dans tous les champs de recherche, hein, vous savez, on a l'étape de des publications, et puis on a aussi l'étape des cours en pédagogie, on a l'étape des colloques où là, justement, chacun confronte un peu ses terrains et du coup il y a des discussions. On essaye de focaliser un petit peu des thématiques de panel, notamment pour comparer les logiques internationales, parce que maintenant il y a des comme il y a du métal dans le monde entier, il y a des gens qui travaillent là-dessus aussi dans le monde entier, puisque finalement beaucoup de gens se posent des questions. Alors et puis beaucoup de gens sont impliqués d'une manière ou d'une autre, et soit comme fans, soit comme opposants, etc. Et donc du coup il y a beaucoup de débats. Ça clive pas mal la musique métal, oui. Évidemment. D'ailleurs vous me disiez en préparant l'émission que c'est probablement la musique la plus détestée quand on mène des enquêtes. Sophie Turbet, c'est exact ça? Oui, on pourrait même se référer à une enquête nationale qui a été réalisée, qui a été commandée par le ministère de la Culture en 2008, qui quand même révélait dans les chiffres que la musique la moins aimée, ou en tout cas que les Français déclaraient le moins aimée, est effectivement le heavy metal et le hard rock, suivi du hip-hop et du rap, mais le heavy metal effectivement à plus de 50%. Est-ce qu'on a des éléments d'explication alors sur ce rejet massif de la musique métal, alors que dans les faits on voit quand même que c'est une musique très populaire? Ça paraît assez paradoxal d'ailleurs, hein. Oui, alors populaire, ça reste une musique qui reste relativement confidentielle, aussi avec, c'est une forme aussi d'esthétique de la violence, de l'agressivité, qui n'est pas, qui plaît pas à tous les publics, hein, qui est assez, il y a beaucoup de réticence, effectivement, vis-à-vis de ce type d'esthétique-là, qui semble un peu provocante, transgressive. Il y a beaucoup de craintes aussi, vis-à-vis même des collectivités locales pour programmer des concerts, des salles, des programmateurs. Et puis, même musicalement, il y a déjà, quand on écoute du métal, les gens beaucoup ressentent une agression, on compare ça à du bruit. C'est pas souvent une musique qu'on peut mettre dans le fond à la radio quand on bricole ou quand on travaille. Donc, on va en mettre maintenant. Tiens, justement, tout de suite, on va écouter un petit pot pourri que nous a concocté Fred Milano pour cette émission. On va y entendre Black Sabbath, Metallica, Gojira, et c'est tout de suite une minute pour faire le tour. Quelques exemples de musique métal. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Voilà, 1:30 pour avoir un bon aperçu quand même, Jérôme Guibert, hein, de titres assez élémentaires quand même dans la musique métal. Oui, tout à fait, oui. Ouais. On est parti des années 70 au c'est tout début. Ça. Hein. Mais, et même du tout début des années 70, en pleine période contre-culturelle, pleine période hippie. Bon, c'est un groupe anglais de Birmingham, mais c'est vraiment l'aube des années 70. Ouais. Avec une image un peu pessimiste. Donc Black Sabbath. Hein. Voilà, Black Sabbath. Et puis après, il y avait un petit extrait d'un morceau de Metallica, donc qu'on nomme l'inventeur du thrash metal. Donc ça, c'est plus la côte ouest des États-Unis. Années 80. Hein. Voilà, milieu des années 80. Et puis en troisième, c'était Gojira, donc un groupe français, mais très connu internationalement. Qu'on qualifie parfois de death metal, intelligente death metal. Ouais. Et finalement, ce qui est assez intéressant chez Gojira, c'est aussi leur utilisation de la polyrythmie. Et c'est assez typique, en fait, on pourrait dire, de la dernière génération qui finalement commence à regarder aussi sur son passé ou sur son patrimoine, parce que comme le métal existe déjà depuis longtemps, du coup, il peut dialoguer avec toute son histoire. Ouais. Voilà. Alors on a un message de Michel qui nous écrit et nous dit: j'ai travaillé aux États-Unis pour une tournée du groupe Metallica, un petit job de fan club en 1994. Je ne jurais que par Metallica, Black Sabbath, et je n'imaginais pas un jour pouvoir écouter autre chose. Aujourd'hui, je crois que mon goût pour la musique classique que je dévore savoure à haute dose. Son intensité, sa folie résonne peut-être ce passé musical fort. Cet appétit vorace de riffs, de saturation, de vibrations. Sophie Turbet, vous voulez lui répondre ? Eh ben oui, ça rappelle d'ailleurs un des premiers ouvrages de recherche qui a été publié par Robert Walzer sur la musique métal, qui est très populaire et qui date de 1993, ouais. C'est ça, voilà. Running with the Devil, qui compare justement l'esthétique métal aux esthétiques, enfin d'un point de vue musicologique, aux partitions de musique classique, hein, ouais. Et qui fait justement le lien. Et je pense que c'est effectivement une musique souvent d'une grande qualité musicale en termes de composition et de structure, mais aussi qui peut, c'est aussi des musiques qui nous poursuivent toute la vie, tout au long de la vie, effectivement. Et, c'est pas des musiques. Étienne nous dit dans un autre message, résumer et définir le métal, c'est comme résumer ou définir la musique classique. Voilà. Et ça revient beaucoup, apparemment, dans les messages, hein. Ouais, tout à fait. Il y avait donc à la fois la complexité qu'on peut retrouver, de la complexité de la culture ou de la musique, et puis il y avait aussi l'investissement, dans le premier message, l'investissement des auditeurs. Et le fait que souvent ça prend une place importante dans la vie de ceux qui en sont fans, quoi. Ouais. Fabrice nous dit, personnellement, j'aime bien certaines musiques métal, mais je préfère le punk, certainement moins accompli techniquement, mais de mon point de vue, plus sincère. Alors là, bon, on pourrait débattre là-dessus pendant toute l'émission. C'est vrai que pour ceux qui connaissent mal, en tout cas, ces genres musicaux, moi, j'écoute Black Sabbath, je me dis, c'est de la musique punk, finalement. Ouais, bon, enfin, il y a quand même énormément de différences, mais bon, même si effectivement il y a la distorsion des guitares, mais c'est que justement souvent le punk est plutôt associé au moins une vision du monde, une conception du monde qui pourrait être rapprochée de, disons, d'une vision protestataire des logiques politiques, ou enfin voilà, souvent on associe le punk, la naissance du punk, donc soit à l'anarchisme ou soit à la gauche, etc., alors que finalement dans le métal il y a plus cette idée que la plénitude du métal n'est pas associée ou n'a pas besoin d'être liée à des paramètres qui soient politiques ou ou autre, enfin. C'est plus une musique qui explore un peu tous les tabous, j'ai envie de dire, tous les tabous humains, en fait, qui aime bien justement aller le métal ou le punk, le métal, ouais. Qui va jusqu'à chercher justement les thématiques extrémistes, hein, pour pouvoir en faire une forme d'esthétique, effectivement, de la transgression. Quoi, ouais. On reparlera de cette violence dans un instant avec vous. Hervé nous dit et vous demande quelles sont vos relations par rapport à votre objet d'étude scientifique. Est-ce que vous êtes amateur, fan, curieux, opposant, Sophie Turbet? Quand on consacre toutes ses études à ça, faut quand même aimer un peu la musique. Oui, quand même, oui, hein. On en a souvent commencer là-dedans. On est toute une génération, en fait, de chercheurs finalement qui développent ce champ-là, qui sont, on est nous-mêmes effectivement des amateurs, de grands amateurs de métal, de grands consommateurs avant tout, des organisateurs de concerts, des musiciens, tout dépend un peu de qui on parle. Mais voilà, c'est effectivement, on est toute une génération d'amateurs de métal qui se sont investis dans le champ universitaire sur ce genre de travaux. Et la difficulté et aussi l'avantage, c'est justement d'opérer une sorte de distance par rapport à sa propre goût, sa propre posture en tant que fan, et le fait de pouvoir produire des travaux. Mais c'est un objet scientifique qu'on arrive à imposer facilement dans le monde académique aujourd'hui? De plus en plus, mais ça reste quand même relativement marginal, faut quand même l'avouer. Et puis, Jérôme Guibert. Ouais, enfin, effectivement, je pense que cette question-là de votre auditeur, savoir s'il y a besoin d'être fan pour étudier cette musique, c'est vrai que c'est une question qui traverse toutes les sciences sociales, celle du débat anthropologique et sociologique de engagement versus distanciation, avec l'idée que l'engagement, souvent, ça nous amène à connaître extrêmement bien l'objet, mais en même temps peut-être avoir des problèmes d'objectivité parfois, et la distanciation, souvent on manque de données ou on manque de terrain. Donc l'idée, c'est une fois qu'on, en termes de réflexivité, une fois qu'on a mis un peu à distance son objet, on peut arriver peut-être à dire des choses qui n'ont pas été dites. Et ça, dans l'histoire des recherches sur les cultures populaires en général et sur le métal en particulier, ça a joué un rôle important, puisqu'en fait les premières études qui étaient des études plutôt quantitativistes, qui étaient faites un petit peu de loin, et en fait qui ne comprenaient pas ce qu'était ce phénomène. Du coup, amené à des résultats qui, du coup, n'arrivaient pas à percevoir, en fait, le fait que des amateurs puissent trouver un intérêt, en fait, à ces musiques-là. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, c'est pas le cas de 100% des chercheurs dans les colloques sur le métal. Il y a aussi des gens qui en ont entendu parler, ou soit parce que ses enfants, ses proches ou d'autres, voilà, s'intéressaient, ou même des choses qu'ils voyaient dans les médias, et donc Donc du coup, ou alors par exemple des gens qui travaillent en esthétique sur les films, film studies, et puis tout d'un coup qui se disent ah tiens, mais alors pourquoi il y a du métal chez cette ce réalisateur que j'aime, etc. Donc il y a aussi des gens qui sont à l'extérieur. Je me rappelle le premier colloque SMMS, il y avait une intervention d'un Américain sur Lady Gaga et sur la manière dont Lady Gaga, la chanteuse, utilisait justement des codes issus de la musique heavy metal. Et donc lui, il s'était posé la question, ah bon, mais pourquoi, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, c'était davantage, voilà, dans une perspective sémio, mais c'est, voilà, c'est pour vous dire que on peut, mais on n'est pas obligatoirement fan, quoi. Ouais, on verra d'ailleurs que les tout premiers à s'être intéressés à des études scientifiques, c'était les médecins, les psychiatres, hein, plutôt, sur la condition mentale de ceux qui l'écoutaient. On va y revenir dans un instant. Il y a beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr. Je vous transmets les messages juste après avoir écouté Delgrès. C'est comme ça, la vie, la vie. C'est comme ça, pour accepter. C'est comme ça, la vie, la vie. C'est comme ça, et c'était Delgrès à l'instant. La tête au carré sur France Inter. Ça ne demande pas beaucoup d'imagination pour arriver à la conclusion que ce n'est pas ni la chirurgie ni les hôpitaux qui sont au centre de la chanson. Non, c'est vrai, ça demande peu d'imagination. Mais je dirais que les chansons permettent cela. Chacun transfère sa propre imagination, ses propres rêves et expériences dans les paroles. On les interprète comme on veut. Madame Gore cherchait du sadisme et du masochisme, elle les a trouvés. Quelqu'un qui chercherait des références à la chirurgie les trouverait aussi. Alors, nous parlons de musique métal, si vous nous rejoignez sur France Inter dans la tête au carré cet après-midi, et des études scientifiques consacrées aux Metal Studies. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est une archive de 1984 autour justement d'une polémique sur la musique métal. On va expliquer de quoi il s'agit. Jérôme Guibert et Sophie Turbet sont avec moi aujourd'hui. Alors, Jérôme Guibert, Madame Gore, c'est la femme d'Al Gore. Hein, et qu'est-ce qui s'est passé exactement en 1984 contre la musique métal, puisqu'elle dénonce la violence de la musique, hein? Donc c'était une association. Alors il y avait principalement des femmes d'hommes politiques dans cette association, mais il y avait aussi des hommes politiques. Et en fait l'idée c'était avec cette association qui s'appelle PMRC et qui a donné lieu à des petits stickers sur les disques, la Parental Advisory, donc pour prévenir les parents que leurs enfants écoutaient de la musique qui pouvait leur causer des problèmes. Et donc les titres les plus attaqués ont été à l'époque au milieu des années 80 des titres plutôt donc de musique heavy metal et de musique rap, mais en fait pas pour les mêmes raisons. La musique rap c'était associé à un certain nombre de stéréotypes plutôt sur la population africaine-américaine et donc sur une dangerosité des banlieues, etc. Alors que sur le heavy metal, les polémiques tournaient plutôt autour de l'argumentaire « Attention, ce sont nos enfants !» Ce sont nos enfants que nous sommes en train de pervertir et on leur donne des mauvaises images, soit des images dégradantes de la religion, soit des images dégradantes des rapports de genre ou des rapports hommes-femmes, et donc quelque part on prépare la fin de notre civilisation. Ouais. Avec ça n'a jamais cessé depuis d'ailleurs, parce que même en France au moment du Hellfest, des tout premiers numéros du Hellfest, il y a Christine Boutin ou Philippe Devilliers qu'on a entendu s'insurger contre le satanisme de la musique métal. Qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé au milieu des années 80 aux États-Unis, ça s'est passé en France, mais plutôt au milieu de la première décennie de 2000. Mais c'était à peu près le même type de débat avec le même type d'argumentaire. Et alors, ce qui est assez bizarre, c'est, justement, je publie un papier récemment, bientôt là-dessus sur Criminaux Corpus. En fait, en termes d'espace public, l'idée, c'est que finalement, on s'est rendu compte que les concerts ou les festivals de métal, c'était comme des concerts de rock et qu'il se passait rien de spécifiquement horrible. Et donc, en fait, c'est la majorité de la population qui, du coup, a désamorcé ce débat. On s'est rendu compte que finalement, les critiques ou les opposants qui se présentaient comme étant des quidam moyens, en fait, représentaient une part marginale et plutôt radicale, en fait, des sociétés occidentales. Alors, Sophie Turbet, la question de la violence au sein de la musique métal, elle est quand même assez centrale, finalement, quand on étudie aussi sa matière, j'allais dire. Ça revient d'ailleurs dans les commentaires. Bénédicte nous dit, en ce qui me concerne, le métal m'a permis de libérer, au contraire, mon surplus d'énergie, voire de violence. Et on voit des travaux scientifiques qui arrivent, de plus en plus nombreux, et qui montrent l'effet de catharsis, un peu, de la musique métal. Oui, on peut parler de catharsis, c'est le terme qui revient souvent, même chez les amateurs qu'on interroge. Il ne faut pas oublier que c'est quand même une musique qu'on commence à écouter souvent au début de l'adolescence. C'est au moment où on a besoin, effectivement, d'un exutoire. Effectivement, le terme d'exutoire revient régulièrement chez les personnes que j'ai interrogées, chez les amateurs et les amatrices aussi, d'ailleurs, pour revenir à la question des femmes, puisque justement cette violence qu'on retrouve parfois sur des pochettes de manière assez extrême, sur des pochettes par exemple des groupes comme Cannibal Corpse au début des années 90, avec des pochettes comme Tomb of the Mutilated ou Butcher That Burst, où on voit des femmes éventrées avec des bébés pendus au plafond. Bon, c'est des images assez choquantes, effectivement, pour l'image, pour la violence qu'on pourrait envers les femmes. En fait, on pourrait le voir comme ça, ce sont des images très gore, mais quelque part, on retrouve des fans aussi de ces groupes qui revendiquent le fait d'aimer ces groupes, qui peuvent même porter ces pochettes sur des t-shirts qu'elles affichent publiquement. Et il y a différentes postures, en fait. Il y a effectivement des femmes qui rejettent effectivement ces images de violence. Il y en a d'autres qui, au contraire, considèrent ça comme de l'humour du second degré, le voient avec une certaine distance. Et puis quelque part, il y en a aussi qui reprennent ça à leur propre compte, un peu pour déconstruire en quelque sorte les codes traditionnels de la féminité, c'est-à-dire la femme fragile, la femme qui doit enfanter, la femme traditionnelle, la femme douce, gentille. Et c'est une façon aussi pour elles de présenter une autre image, une image de femme forte ou une image... Mais des psychiatres se sont intéressés vraiment à la violence chez les fans de métal, pour voir s'ils étaient plus violents que les amateurs d'autres musiques. Et finalement, les résultats sont plutôt assez rassurants. Jérôme Guibert. Oui, oui. Alors, je pense que il y a plusieurs choses à dire. C'est que la première, c'est que le métal, comme d'autres études sur d'autres sortes de musique, enfin même de pratiques populaires comme le jeu vidéo ou autre, nous montre en fait la complexité de la réception. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réception univoque, mais il y a plusieurs manières d'interpréter les messages. Hein. Et ça, c'est vrai qu'on avait un peu tendance à l'oublier dans beaucoup d'enquêtes quantitatives, objectivistes, en disant bah voilà, si par exemple tel homme politique ou tel artiste dit blanc, et ben les gens vont comprendre blanc, voilà le terme blanc. Alors que finalement, selon le parcours qu'on a eu, selon la vie qu'on a, selon les codes qu'on partage, selon sa propre culture, on peut du coup interpréter ces codes-là différents. Et là, donc ce qui est assez intéressant avec la radicalité du métal, c'est nous montre à quel point en fait il y a une complexité dans la réception de cette musique et comment cette musique permet ou ne permet pas des choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et l'autre chose, c'est que je pense que c'est vraiment important, en resituant les recherches sur le métal dans le temps, de voir que finalement, dans les années 70 ou au début des années 80, de la même manière que dans les années 50 pour le rock'n'roll, pour la naissance du rock'n'roll, il y a eu d'abord des enquêtes qui étaient plutôt des enquêtes plutôt expérimentales, qui se voulaient, j'irais, objectivistes, mais qui cherchaient à montrer plutôt des pathologies négatives, enfin, qui cherchaient à démontrer comment ça se fait que des gens puissent écouter ce genre de musique. Vraiment, ça doit pas tourner rond dans leur tête. Donc, ce genre d'hypothèse... C'était le départ des études, finalement. Ouais, c'était le départ des études. Et finalement, il y a eu un tournant, et ce tournant, c'est un tournant, je dirais, plus interactionniste ou qualitatif, compréhensif, on dit en sociologie, de la sociologie compréhensive, qui a essayé de voir ce que les gens pensaient ou ce qu'ils avaient finalement dans leur tête. Et là, on s'est rendu compte que ce que disaient les gens, c'est moi, quand j'écoute cette musique, ça me sauve. Le monde est dur, le monde est violent. J'ai besoin de cette musique. Et c'est pour ça que voilà, du coup, maintenant, dans les articles journalistiques, il va y avoir des gens qui vont vous dire le métal énerve versus le métal apaise, etc. Là, tout dépend si on l'aime ou pas. Parce que finalement, si on l'aime pas et qu'on nous l'impose, quand on torturait en Irak les Américains, il y en a qui torturaient aussi leurs ennemis en leur faisant écouter du Metallica. Alors, Sophie Turbet, il y a un message de Paul qui nous dit « J'ai eu la chance d'aller au Hellfest l'année dernière. Public mâle, 80-90%, nous dit-il, mais aussi féminin, affirmé et joyeux. De ce que j'ai vu, on fichait une paire royale aux filles. À noter aussi des groupes très populaires emmenés par des femmes, à l'image de Arch Enemy et de sa chanteuse extravertie et gracieuse. 80-90% d'hommes, c'est plus le cas aujourd'hui. De plus en plus de femmes visibles dans les concerts, dans les gros festivals aussi populaires, enfin aussi grand public en tout cas, qui deviennent effectivement très visibles d'autant plus. Mais oui, on en retrouve de plus en plus, y compris sur scène, et y compris dans des groupes comme effectivement Arch Enemy depuis le début des années 2000. Alors, on a un petit extrait justement de Arch Enemy, on va l'entendre tout de suite. C'est une femme qui chante dans ce groupe, qui est à la tête de ce groupe. Voilà, Sophie Turbet. Et c'est bien une femme qui chante, là, ce qu'on vient d'entendre. Tout à fait. Voilà. C'est la chanteuse, donc, de Arch Enemy. Musique ouverte à l'image de cette chanteuse extravertie et gracieuse, nous dit notre auditrice. On va le dire comme ça. Bah, effectivement, c'est une femme qui chante, et c'est ça qui a rendu ce groupe si emblématique. Et surtout cette chanteuse, Angela Gossow, puisque effectivement, elle s'approprie, en fait, une technique, qui est ce qu'on appelle le chant gros, qui était considérée jusque-là comme une technique purement masculine, enfin quelque chose qu'on peut expliquer. C'est de chanter comme ça avec la gorge. Voilà, à c'est un chant guttural, si on veut. Et le fait qu'elle se l'approprie tout en conservant cette image malgré tout féminine, sexy, parce que c'est pas un travestissement, chez Angela Gossow, c'est vraiment une attitude guerrière, quelque chose qui revendique effectivement la femme forte. Et d'ailleurs, elle le dit même dans son discours, dans ses attitudes. On a un message de Marie-Laure qui nous dit « Dans les années 80, les bonnes sœurs de mon collège privé me promettaient l'enfer parce que j'écoutais AC/DC. J'en écoute toujours, nous dit Marie-Laure, et je vais très très bien. » Ben justement, on va écouter AC/DC ensemble cet après-midi dans La Tête au Carré. Hell's Bell, ACDC sur France Inter pour parler des Metal Studies avec mes invités Jérôme Guibert et Sophie Turbet. Alors là, on se revoit dans les années 80. Hein, Jérôme Guibert, le sac US sur les épaules. C'est et ça. Et ACDC classé au top 50 à l'époque quand même. Parce que ça, c'est un gros tube. Oui, oui, tout à fait. Back in Black, Hell's Bell sur cet album de 1980. En plus, c'était une pochette toute noire avec ACDC en relief. Alors. Voilà, quand on se pose des questions sur la vie, qu'on sait pas ce qu'on va devenir, etc., qu'on a ce vinyle là, qu'on l'a entre les mains. Ouais. Et puis après, c'est aussi des dialogues intergénérationnels, parce que, par exemple, Sophie, elle a pas le même âge que moi, et donc, du coup, voilà. Qu'est-ce que ça représente, Sophie Turbet, pour vous? Alors, vous êtes un peu plus jeune que nous, ça, c'est quand même C'est un classique, c'est effectivement un classique, hein. Et on retrouve des gens de ma génération qui ont la trentaine, qui ont connu ce genre de groupe avec leurs parents, puisqu'il y a aussi une transmission générationnelle qui se fait de parents. Quand on a des parents qui ont grandi eux-mêmes, finalement à la fin des années 70, qui ont connu la fin du hard rock, enfin le début du heavy metal finalement, ouais. Eh bien ils ont transmis aussi leur goût à leurs enfants. Ouais, Loïc nous écrit, étant fan de métal et ayant participé au Hellfest, hein, je constate fréquemment ce brassage des milieux rassemblés sous la même bannière, et je comprends que ça suscite tant d'études, et de plus, pour rassurer les néophytes, les headbangers sont les types les plus sympas et ouverts du monde. C'est quoi un headbanger, Sophie Turbet? Bon, c'est ce qu'on pourrait appeler un métalleux, hein, ouais. En France. Un amateur de métal, c'est un fan. Ouais. Mais c'est celui qui bouge la tête avec ses grands cheveux, quand même, c'est ça, le headbanger. Ouais. Hein. C'est une des premières manifestations de technique du corps du fan de métal. Et ça, c'est étudié aussi par les scientifiques, justement. Ouais, ouais, ouais. Comment le corps s'exprime dans la musique métal. Ouais. Bah, les problèmes de cou. Oui, c'est ça. Headbang. Parce que certains se sont inquiétés, justement, des effets du headbanging, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, hein, c'est ça. Sur le cou, effectivement. Voilà. Et il y a le pogo aussi, qui est étudié. Ouais. Bon, alors après, voilà, il y a ce qu'on appelle le pit aussi, c'est-à-dire devant la scène, et puis le slam, le fait de... Quand vous voyez des photos de concert, tout d'un coup, il y a une personne qui est au-dessus du public, on se demande, debout, ou qui plonge de la scène dans le public. Voilà, donc ça, c'est des manifestations. D'ailleurs, il y a un atelier du colloque sur les techniques du corps au sein du métal. Donc, pour apprendre à être un bon headbanger, hein, par exemple. Pour voir, parce que comme toute manifestation de danse liée à une musique ou à une culture musicale, il y a des codes. Alors soit on les connaît, soit on les connaît pas. Et puis après, il y a plein de pour rejoindre la discussion sur ACDC et les générations. Bon, il y a aussi ça, c'est que voilà, quand on fait des enquêtes, on sait que selon son âge, on se place pas forcément dans le même endroit dans le public, parce que c'est des concerts qui sont debout comme depuis le rock. Et donc, du coup, peut-être si on est plus âgé, on reste un peu en retrait. Si on est connaisseur, on peut aller au bar, ou alors on peut aller devant, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de codes, qu'on ne perçoit pas forcément si jamais on regarde ça à la télé ou... Sophie Turbet, on parlait des polémiques autour de la musique métal tout à l'heure. Alors, des polémiques qui viennent de l'extérieur, mais qui viennent aussi de l'intérieur même du mouvement, avec les femmes aussi qui ont pu réagir, qui ont des choses à dire, les gays aussi qui ont des choses à dire sur ces questions-là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on discute beaucoup et ça transforme aussi cette culture. Ah, c'est une culture qui évolue avec son temps, de toute manière, je pense. Enfin, ça, c'est quelque chose de transversal à toutes les cultures populaires. Effectivement, comme elle aborde beaucoup de tabous, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi une scène de débat. Il y a aussi beaucoup de clivages entre les sous-genres, comme on disait, et aussi entre les postures. Effectivement, le simple fait qu'il y ait des femmes qui chantent dans le métal avec des voix parfois lyriques, il y en a qui peuvent trouver que c'était pas du métal, par exemple. Qu'il y a des guerres, effectivement, en termes de générique, en termes d'essence, finalement, de ce que c'est que le métal, de ce que ça représente pour eux. Et puis après, il y a effectivement tous les débats idéologiques qu'on peut éventuellement parfois retrouver derrière. Vous avez écrit cet article, hein, « Puissance, force et musique métal quand les filles s'approprient les codes de la masculinité ». Qu'est-ce que vous racontez justement dans cet article? Qu'est-ce que vous nous dites de la place des femmes dans les représentations de la musique métal? Et bien justement que c'est une musique qui de plus en plus dans laquelle on retrouve effectivement de plus en plus de femmes en nombre, mais aussi qui revendique quelque part aussi une place à travers le fait de s'impliquer dans une scène dans des pratiques amateurs par exemple dans les scènes locales, le fait de s'impliquer en tant que musicienne ou en tant même que technicienne à l'arrière de la scène, et bien elle revendique aussi une place dans un monde qui est considéré comme étant traditionnellement masculin. Alors c'est des discours qu'on retrouve un peu qui sont pas revendiqués comme tels, ce sont pas des discours féminins féministes, elles se présentent pas comme étant féministes, mais ce sont des choses qui importent pour elles en tant que, quand on les interroge, en tant que femmes. Ouais, ça s'est beaucoup ouvert, Jérôme Guibert, justement, les discussions et les problématiques au sein du métal. Ouais, je pense que un des éléments caractéristiques des études culturelles en général, c'est d'essayer de montrer que à la fois il y a des rapports de pouvoir. Donc des rapports de domination au sein des groupes sociaux, et en même temps il y a toujours des stratégies de résistance ou de contournement. Mmh. Et donc finalement, si on analyse le métal dans une perspective historique par rapport à ces questions, ben on se rend compte que au départ c'était effectivement plutôt à la fin des années 70, c'était plutôt des jeunes garçons de milieux populaires. Mmh. Qui habitaient plutôt les banlieues des grandes villes, qui étaient plutôt, plutôt hétéros, et plutôt d'origine blanche, on pourrait dire ça comme ça, aux États-Unis notamment, et que finalement l'imaginaire s'est construit un peu par rapport à cette perspective-là de questionnement à la fois de vie personnelle et de vie professionnelle. Et depuis cette période, en fait, il y a une ouverture sur tous ces rapports. Donc il y a une ouverture à d'autres types de populations, les femmes plutôt que les hommes, en plus des hommes, les vieux en plus des jeunes, parce que du coup ça passe historiquement, les classes sup en plus des classes populaires, le monde non occidental par rapport au monde occidental, hein, comment par exemple les Chinois, il va y avoir des Chinois et des Taïwanais au colloque, alors comment eux ils perçoivent le métal par exemple. Et donc ça, ce sera pendant plusieurs jours à Nantes, hein, ce sera du 17 au 20 juin prochain, et puis ensuite le Hellfest aussi à Clisson qui va débarquer. Il y avait beaucoup de métal, beaucoup de questions sur le métal de nos auditeurs. Il y a Pierre aussi qui nous propose d'annoncer le festival métal qui aura lieu à Saint-Félix en Haute-Savoie les 26 et 27 juillet, mais ça ne manque pas visiblement, les rendez-vous sont très nombreux, et vous chargerez évidemment de les annoncer lors du colloque. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus, et pour ceux que ça intéresse, donc ce sera au lieu unique à Nantes, entre le 17 et le 20 juin prochain. On saura un numéro de la revue Volume aussi à l'occasion du colloque. Et toutes les références sont sur le site de La Tête au Carré. Merci beaucoup. Merci. Désolé pour Dominique Dupin, la chronique, ce sera la semaine prochaine.